J'ai toujours eu cette envie de partir loin, très loin, découvrir d'autres vies, suivre des chemins lointains. Les gens me demandent pourquoi je ne reste jamais en place. Tu cherches quoi? Ils me disent parfois, moi-même. Impossible de s'arrêter, pas de parade. Je veux aller ailleurs, voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Je veux aller ailleurs, collectionner les émotions. Chaque pays une leçon, chaque ville une maison. Je veux aller ailleurs, jusqu'à trouver. Certains ont une maison, un travail, une routine. Moi j'ai mon sac à dos pour prison et le monde comme cuisine. Je dors dans des auberges, fais des rencontres éphémères. Ma vie que je ne revise, je veux aller ailleurs, voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Je veux aller ailleurs, collectionner les émotions. Chaque pays une leçon, chaque ville une raison. Je veux aller ailleurs, jusqu'à peut-être qu'un jour je poserai mes valises, peut-être que j'aurai fait le tour. Mais pour l'instant ma devise, c'est de voyager chaque jour. Je veux aller.